Au lecteur, la sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps. Et nous alimentons nos aimables remords comme les mendiants nourrissent leur vermine. la sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps. Et nous alimentons nos aimables remords comme les mendiants nourrissent leur vermine. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches. Nous nous faisons payer grassement nos aveux et nous rentrons gaiement dans le chemin pourbeux, croyant par de vils pleurs laver toutes nos tâches. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan Trimégiste qui berce longuement notre esprit enchanté et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent. Aux objets répugnants, nous trouvons des appâts. Chaque jour, vers l'enfer, nous descendons d'un pas, sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. Ainsi qu'un débauché pauvre qui baise et mange le sein martyrisé d'une antique catin, nous volons au passage un plaisir clandestin que nous pressons bien fort comme une vieille orange. Serré, fourmillant comme un million d'helminthes, dans nos cerveaux ribote un peuple de démons. Et quand nous respirons, la mort